Le propriétaire loue un appartement au locataire. Le locataire loue un appartement dans un immeuble. Le locataire paye un loyer tous les mois. Parfois, il doit aussi payer les charges. Par exemple, le loyer est de 550 euros, charges comprises. Quand on loue un appartement pour la première fois, on signe un bail, un contrat de location, et on paye une caution, un mois de loyer de garantie. Il faut quelquefois payer les frais d'agence.